se bien marié, il devait à la cabaret, depuis toute famille oublie, qu'on passe pour ça régler. Tout marié s'est bien marié, il devait à la cabaret, depuis toute famille oublie, qu'on passe pour ça régler. Wadi a parlé ou mal, a fait paille au pissal, même qu'on en compte un total, au monde très raisonnable. Wadi a parlé ou mal, a fait paille au pissal, même qu'on en compte un total, au monde très raisonnable. Où est-ce que tu fais tête, vers la 4 du matin, parrain à marine seulement, n'a pas fait tout simplement. Pour aider ou à faire tête, vers la 4 du matin, parrain avec marraine seulement, n'a pas fait tout simplement. Flash that son and bang, flash that son and bang.